accordéoniste du coin de ma rue a mis le vent du soir en prison dans son accordéon. Et cette valse triste, houle et perdue, c'est la plainte du vent du soir qui voudrait retrouver sa liberté. Mon copain le vent, tu ferais mieux, au lieu de geindre tant que tu peux, d'essayer de m'aider un peu. Regarde donc ces miséreux, ils ont un air si triste, si malheureux. Je voudrais bien être le bon Dieu pour faire briller leurs yeux, mais un accordéoniste n'a que ses doigts pour leur apporter un petit brin de joie, et ce n'est pas facile, crois-moi. Alors le vent du soir, tout ému, s'est mis à chanter tant qu'il a pu, et dans les yeux des gueux de la rue, l'étoile de joie est revenue. Y a plus de valse triste au coin de ma rue, y a plus que la chanson du vent du soir, et c'est une chanson d'espoir. Et l'accordéoniste a disparu pour semer ailleurs d'autres fleurs de bonheur et pour faire danser d'autres cœurs. La la la.